Alors, c'est réellement au niveau de la manifestation, dans l'action ou dans la parole, que le mal existe. Ce n'est pas dans ta tête. Il n'y a jamais de mal dans ta tête. Que tu penses n'importe quoi dans ta tête, cochon, pas cochon, c'est jamais mal. C'est avec un jeu de l'esprit pour t'embrouiller quatre. Pour te faire penser que t'es pas bon, que t'es ci ou que t'es ça. Que t'es une guidoune. Ça te crée des tensions de penser que t'es une guidoune. Mais ça change les vibrations de tes corps. Fait que tant que t'es pogné dans la guidounerie, bon, t'en souffres. Mais si tu deviens une guidoune, là, c'est un autre mélabande. Mais c'est encore la même game, pareil. Parce que si tu deviens une guidoune, puis tu te tranches la tête, tu te culpabilises. La guidounerie a eu le meilleur de toi. Fait que tu t'es fait poigner par la guidounerie. T'es intelligent. Au lieu de te vivre, sa guidounerie. Bon, on a peur de vivre notre guidounerie. Parce qu'on est prisonnier du bien et du mal. On n'est même pas capable d'avoir le plaisir de notre guidounerie. Tant qu'on est con. Parce que les mots qui ont été parlés dans le passé sont enregistrés dans notre mémoire, ces mots-là. Ils sont enregistrés dans la philosophie morale de la civilisation. C'est pas bon d'être une guidoune. Pourtant, c'est plein de guidounes dans le monde, ou c'est plein de monde qui voudrait être des guidounes, mais il n'y en a pas un maudit qui a le courage d'être une guidoune. Parce que la philosophie, la théologie, le sens moral dit que c'est pas bon d'être une guidoune. Fait qu'au lieu de devenir des guidounes, ils deviennent des vieilles patates ratatinées. J'invoque pas d'être une guidoune, j'explique la mécanique de la relation entre la pensée et l'action.